Bon bah voilà, c'est chez moi. Ah ok. C'est une pièce. On sent bien le côté étudiante APL. Tu veux boire quoi? J'ai du daiquiri, du seau, du passoa, la manzana, du Malibu pêche. Il me reste un fond de rosé pamplemousse. Ah ouais, c'est vrai qu'on est là pour boire un verre. Sinon qu'est-ce que je pourrais faire? Une heure du match, j'ai une bonne meuf. À part peut-être foutre ma vie en l'air, trahir celle à qui j'ai demandé de m'épouser en lui brisant le cœur. Ouais, je vais me marier, et ouais, j'ai dit que t'étais bonne. J'aurais pu dire belle, mais c'est pas vraiment l'impression que tu me donnes. Par exemple, ma meuf, je pourrais dire qu'elle est belle. Toi, t'es mieux sur les photos, elle est les meilleures dans le réel. Comme l'intelligence dans les yeux qui fait des étincelles. Comme réussir à traverser le temps et rester la même. Comme faire des concessions sans jamais les souligner. Comme quand t'es ri trop fort et je vois la pièce s'illuminer. Hey. Là juste pas sur son Insta, il est éclaté. Elle a pas besoin de se vendre et sans branle de se faire liker. En fait c'est toi en tout le contraire. Et je vais peut-être me barrer juste après mon verre. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après je ferai mieux de m'en aller. J'ai beaucoup trop de choses à perdre et pas grand chose à gagner. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après je ferai mieux de m'en aller. Tout était flou, maintenant c'est clair. Laissons le passé dans le passé. Je sais pas pourquoi je te parle de ma meuf. Ah si, parce qu'en ce moment c'est pas fou, fou. C'est juste au début que l'amour rend aveugle. Ensuite tu retrouves un peu la vue et tu vois tout flou. Je veux pas te spoiler, mais dans 15 ans t'es chum. Développe d'autres qualités, t'auras pas besoin de te faire la gueule. Pour l'instant t'es bonne d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. En vrai t'es tellement plus bonne que moi qu'en fait c'est bizarre. Où t'étais quand tout ce que je voulais c'était vivre ça? Où t'étais pour partager l'addition sur une pizza? Hey, pour moi t'es du porno, pour toi je suis une vide star. En fait y'a rien qui match, même le sexe sera minable. J'sais pas qu'elle n'a connu depuis longtemps, ça va me stresser. J'serais maladroit, genre on se cognait, j'vais culpabiliser. Si j'pars maintenant, on s'évite tous un grand malaise. C'était cool de te parler, merci pour le verre. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après j'ferais mieux de m'en aller. J'ai beaucoup trop de choses à perdre et pas grand chose à gagner. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après j'ferais mieux de m'en aller. Tout était flou, maintenant c'est clair. Laissons le passé dans le passé. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après j'ferais mieux de m'en aller. Tout était flou, maintenant c'est clair. Laissons le passé dans le passé.